طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومتبعهم بإحسان اليوم الدين، أما بعد. Déjà le dias de la dernière fois, quand de la Machafail, il a pas été enregistré. Enfin, il était enregistré, mais le micro, il n'y a plus de pile dedans. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de son, quoi. Tu vois, là, c'est une pile comme ça, là. On met dedans. A été usé. On s'est rendu compte après. Donc, comme d'habitude, d'où l'avantage d'assister ou d'écouter en direct. Ceux qui étaient présents quand on écoutait, ben, ceux qui ont profité des autres, ben, ils sont pénalisés et seront privés de l'audio du DERS, qui était intéressant. Dans la Macha Farad, ça arrive des fois. Problème technique comme ça. Donc, d'où le fait qu'on incite à ceux qui peuvent venir, ou ceux qui peuvent écouter en direct, c'est meilleur pour eux. Comme ça, au moins, ils ne ratent rien, bisne la ta'ala. Donc, la dernière fois, on avait parlé de Al-Ulu. Andak. Al-Ulu. Quel maqsam ? Combien de catégories de Ulu ? Mahia. L'élévation. Combien de catégories ? L'élévation de trois sortes. Une. Fourneau et deux unanimes. Une par l'essence, d'Allah Azzawajal. On loue Zat, Naam. Qui est sur les cieux, au-dessus des cieux. Naam, Arsent. L'autre, c'est la domination sur le fait que toi, il est plus fort que nous. Donc, comme toi et moi, bah, si t'es plus fort que moi, tu vas être au-dessus. Naam, ça c'est le Kahar, par domination, suprématie. Et la troisième, c'est le plus haut rang. Enfin, là, il y a parfois voilà. Qu'il a le plus haut rang et que même le plus noble des nobles n'entendra jamais le degré d'Allah Azzawajal. Arsent, Ulu et Sha'an. Ahsant. On avait dit que Ulu al-Zat, l'élévation de, par son essence, ça, c'est les gens de la Sunna qui l'affirment. Car les autres, ils voient que dire que Allah est au-dessus, c'est lui attribuer un lieu, et lui attribuer un lieu, c'est forcément le maître dans sa création, donc ce pauvre, c'est du kufr. Et on a dit non. D'accord ? Et on a dit en plus qu'il est au-dessus des cieux, et son safouqiyya nous est inconnu, le comment nous est inconnu, comme le reste de sa tribu. Nous, on l'affirme. Et à Dila, il y en a plein. Qui c'est qui m'en donne un seul ? Un seul. Là, ça c'est pas clair, ça. Le fait qu'Allah est au-dessus des cieux ? Ouais. Mais moi, je n'ai plus. En fait, ton verset, là, que t'as dit, il en serait un, mais il y a des bien plus forts que ça, quoi. Le voyage nocturne, ça dit pas, ça parle pas de... Ça veut dire quoi? Al-Isra, voyage nocturne, c'est de Mecca à Al-Falestine. C'est le voyage nocturne de Mishraïm de Mecca à Al-Bayt al-Maqdis. Ça, c'est Al-Iraj, tu veux dire. L'ascension. Ouais, l'ascension, excuse-moi. C'est le même soir, mais le Isra, c'est voyage nocturne, et Al-Iraj, c'est l'ascension. L'ascension, plutôt. Voilà, Ahsant. Il y a un verset que vous entendez en général tous les vendredis. Tous les vendredis en général, la sunna c'est de réciter. Dans la khutbah. Dans ça de la khutbah. Sabbihism Rabbika. Al-A'la. Fille le nom de ton Seigneur, le plus haut. On a dit Al-A'la min Asma'illah. Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali. Tout ça, ils ont la même racine qui indique l'élévation. Là, c'est un verset que tout le monde connaît en général. Donc c'est pas la peine d'aller même trop loin, mais il y a plein d'illa qui montrent que Allah Azzawajal, on a expliqué que fi, harf jar fi, qui est à la base de dire dans, là dans ces versets-là, il est venu dans le sens de ala, au-dessus. Manafouk. Donc Allah est au-dessus des cieux. Après nous souvent on traduit aux cieux. Et quand quelqu'un il traduit littéralement, il va dire dans les cieux. Mais on va dire, traduit le sens, traduit pas les termes. À la base en français, on doit traduire le sens et non pas les termes. On ne doit pas faire du mot à mot. Doit donner le sens directement. Sans quoi ça pourrait induire les gens en erreur. Et on avait pris une règle très importante également. Yaqulu Azawajel, ou allazi anzala alayka al-kitab, minhu ayatun muhkamatun, hunna umul kitab, ukhra mutashabihat. Fama allazina fi qulubihim zayyun fayattabi'una ma tashabaha minhu, ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. وراسلنا في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومن يذكر إلا أولو الألباب. Celui qui a fait descendre sur toi le livre dans lequel fait partie des versets qui sont clairs et effectifs et qui sont la mère du livre et d'autres qui sont équivoques. Et ceux qui ont une maladie dans le cœur cherchent des versets équivoques dont l'interprétation n'est connue que par Allah et dans une certaine lecture et règlement de ceux qui sont ancrés dans la science. Et ils disent, nous avons cru en tout, tout vient de notre Seigneur. Il ne se rappelle que des gens dotés d'intelligence. Surat al-Imran. Donc, on avait expliqué que lorsqu'on a des choses qui sont, on appelle mutashabihat, à équivoque, et d'autres qui sont claires, on revient à ceux qui sont clairs. L'exemple, Ar-Rahman, Ar-Rash Istawa. Ar-Rahman qui est au-dessus du trône. Donc, ça indique que Allah Azzawajal est au-dessus. Et d'autres qui sont tashabur comme Wa huwa ma'akum inna ma kuntum. Il est avec vous où que vous soyez. Donc, les gens ont pris ce verset-là pour dire Allah est partout. Mais ça, c'est un verset qu'il faut comprendre avec d'autres adillah. Et les autres qui prouvent que Allah est au-dessus de tout sont bien plus nombreux, bien plus clairs. Donc on revient auquel ? À cela. D'accord ? On avait expliqué que cette règle-là, elle s'applique dans plein de domaines. Et étant là, ils font pareil, on avait dit avec les kalam des ulama. T'as des ulama, ils ont des paroles qui sont claires sur Mas'ala. Étant là, on cherchait un alim, murtabar, sunni, qui a un kalam qui va dans l'autre sens. Il va prendre, regarde ce qu'il dit chez un tel. Tu vois ? On dit chez un tel naam. Là-dessus, soit son kalam, il n'est pas clair, ou soit alors, on va dire, peut-être qu'il a tort. Et les autres ulama qu'on parlait, ils ont des adillah, et leur kalam il est clair, et c'est la raqada qui est connue chez les gens de la sunna. Et les ulama sont amenés à faire des ijtihadat, des fois. D'accord ? Ils ne sont pas infaillibles. Donc prendre le kalam d'un alim salafi, ce n'est pas une hujja en soi. On regarde le dalil qui a été évoqué. Et des fois, c'est le contraire. C'est un alim, ou peu, qui ont raison, et la plupart, ils ont tort. C'est le mas'ala. Ça peut arriver, également. Quoi qu'il en soit, dès que la chose... Le kalam des ulama coordonne avec l'adillah du kitab de la sunna et de la voie des salafs, et qui sont clairs, c'est maqboul, accepté, automatiquement. Donc on avait parlé ensuite il y a une histoire qui avait été dite, je ne sais pas si elle est vraie, à l'époque des anciens, qu'un homme a fait une khidba avec une femme, pour se marier avec elle. Tu vois ? Une femme. Et cette femme, elle a été un peu hautaine avec cet homme lors de la khidba. Parce qu'elle avait du ilm, tu vois ? Donc elle a voulu tester, dans le sens, en lui disant, justement, c'est bien celle-là à la tester. Tu vois? Mais dans l'histoire, comment c'est testé? C'est genre un test, mais genre, pour montrer qu'elle est clé, elle connaît, lui connaît pas, tu vois? Donc elle lui a dit, je sais plus dans quel sens elle lui a demandé, donne-moi des preuves. Elle lui a dit, dans le sens, il est où Allah? Il a dit aux cieux. Elle lui a dit, donne des preuves. Il a dit le hadith en arabe, je ne me rappelle plus du terme, dans le sens où, dans le hadith, il est ma'aloum, la yad'ou le zouj, zoujetahu, il est le firosh, fa ta'aba, il est radiba ali, al-lazi fouk al-samawati wal-ard, al-lazi fouk al-samawati, fadal ma'ana. Il a dit qu'il n'y a pas un mari qui appelle sa femme pour avoir des rapports, qui refuse, sans que celui qui est au-dessus des sept cieux ne se mette en colère contre elle. Tu vois. Pour dire, je connais Dalil et je connais Mouhaq de Zouj également. Les versions, je sais pas si elle est vraie, mais souvent, il la raconte pour dire, voilà, quoi, tu vois. Que dans cette affaire-là, elle a voulu être un peu orgueilleuse et lui, ben, il lui a répondu. Et en fait, il lui a rappelé son droit de Zouj, si on se marie, tu devras m'obéir et je sais qu'elle est au-dessus des cieux. Bon, après, on dit ça, c'est pas dans, pour rabaisser des femmes ou quoi, tu vois. C'est... Voilà quoi, Bab el-Stidlal. Et d'autres fois, il y a d'autres adillas où les ulama ici des histoires où c'est la femme qui a l'avantage sur l'homme, tu vois. Là, c'est juste pour la Mounasaba, là, pour l'occasion, on cite ça. Dans d'autres circonstances, c'est la femme qui avait des mots, qui a son droit à elle, elle avait raison avec un dalil, et l'homme se taise. Tu vois. Chacun a ses droits. D'ailleurs, il y avait, je dois faire, il faut quand même facilite, lors de la Dora sur les conseils pour les femmes. J'ai fait une nasiha par rapport aux sœurs et quelqu'un m'a suggéré de faire l'équivalent pour les hommes. Tu vois. Parce que dans la Nasiha, j'avais dit, là, le but, c'est pas d'attaquer les femmes, c'est la fin de Nasiha. Et comme la Dora concerne les femmes, on parle des femmes. Et une personne m'a dit, Nasiha, elle était correcte et tout. Maintenant, en dehors de cette Dora pour les femmes, on aimerait une Nasiha équivalente, mais pour les hommes. J'ai dit, Abshir, Inch'Allah, je vais la faire. On la fera, Inch'Allah. Là, j'ai tardé, ça fait un moment que j'ai dit que j'allais la faire. J'ai tardé, mais elle va se faire. Histoire que les frères également, ils ont la Nasiha par rapport à leurs épouses et autres. L'Enaldine Adl, c'est une religion de justice. Et que chacun doit savoir ce qui lui incombe. Quels sont ses devoirs? Que ce soit la femme, tout comme l'homme. Chacun a des droits et chacun a des devoirs. Taïb, Nouassil al-An. Yaqul. Donc la dernière fois, on avait parlé de Ghulu al-Zat. L'élévation par l'essence. Car Allah Azzawajal est au-dessus de sa création. Maintenant, il va parler de Ghulu al-Qahar. L'élévation par domination et par suprématie. Yaqul ma dalil ulu al-qahr min al-kitab. Maintenant, c'est quoi l'épreuve de ce ulu dans le Coran? Yaqul adillatu kathira wa minha qawlu ta'ala wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi. Il dit il est le dominateur au-dessus de ses serviteurs. Wa ya mutadamminun ulu al-qahr wa al-fawqiyyah. Donc ce verset lui rejoint ou joint entre les deux formes de ulu parmi les trois qui sont le ulu, l'élévation de la domination, et celui également de l'essence. Fouq ibadi, écrit, au-dessus des serviteurs. Donc ce verset-là est une preuve pour les deux. Yaqulu subhanahu huwa Allahul wahidul kahar. Qu'il soit purifié de tout manque, tout défaut, il est Allah, le seul et le grand dominateur. Al-kahar, c'est le grand dominateur. Donc al-kahar min asma'illah, c'est parmi ses noms, al-kahar. وقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Pour qui donc est la royauté aujourd'hui? Pour Allah, le seul et le grand dominateur. وقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله واحد القهار. Dit je ne suis qu'un avertisseur et qu'il n'y a pas de divinité en droit de t'adorer en dehors d'Allah, le seul et le grand dominateur. وقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. Il n'y a pas d'animal, là, bestiaux, et ça rentre dedans même les êtres humains, sauf que Allah Azza wa Jal ne le contrôle, ne le domine. وقوله تعالى يا مرشال الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ولا تنفذون إلا بسلطان. Ô vous, hommes et les djinns, si jamais vous pouvez, c'est-à-dire dépasser la limite des cieux et de la terre, alors faites-le et vous ne saurez le faire qu'avec, justement, la force qu'Allah pourrait vous donner. C'est-à-dire qu'en fait, Allah vous domine. Vous ne pourrez le faire que si Allah l'accepte et vous laisse le faire. Et certains se servent de ce verset-là pour dire que l'homme était sur la lune. Mais ça, c'est pas un dalil. Mais Allah, il a mis au défi. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est tout ce qu'il a dit le verset. يقول ما دليل ذلك من السنة. C'est quoi la preuve maintenant également du علو القهر dans la سنة. أدلته من السنة كثيرة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. Le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit je recherche refuge auprès de toi du mal de tout être qui est sous ton contrôle. آخذ بناصيتها, là, qui est sous ton joug, on va dire. Traduirait comme ça à peu près. Donc de toute chose en réalité. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge du mal de toute chose. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam Allahumma. Ça veut dire quoi Allahumma? Ma ma'ana Allahumma? Oh Allah. Oh Allah. Allahumma, ça veut dire oh Allah. C'est un appel. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. Il a dit oh Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, et que je suis sous ton contrôle en fait, et que ton jugement s'applique sur moi et qu'il sera juste envers moi. qui sera juste envers moi. Ça durera comme ça à peu près. Donc le shahid, nasiyati biyadik. En fait, que mon moi, on traduira comme ça. À la base, Nancya, c'est ça. La partie là dans la nuque, là. D'accord ? Et que cela est dans ta main, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui te contrôle. D'accord ? Comme un peu le joug. Comme vous voyez les animaux, quand la mère chienne ou chatte prend son petit, pour on l'attrape par le col. Derrière. Avant. Et quand on tient comme ça un animal, qu'est-ce qu'on fait ? On le contrôle, il ne peut rien faire. وقوله صلى الله عليه وسلم إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من توليت ولا يعز من عاديت. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est ce qu'on est dans le kunut, après le witr, pendant Ramadan. Certes, tu juges ou tu décrètes, on ne décrète pas sur toi. Mais c'est toi qui décrètes sur la création. Qu'on ne peut, ou que celui à qui tu t'allies, ne peut être avili. Que lorsqu'Allah Azzawajal prend un serviteur comme allié, cette personne-là ne peut être avili, parce que c'est Allah qui le protège. Tout comme ne peut être élevé celui que tu prends en ennemi. D'accord ? C'est une personne qui, elle, sera avilie. Ça, c'est inévitable. Donc ça prouve que Allah Azzawajal domine toute chose. Ensuite, il dit « Ma dalilu ulu eshan » Donc après, il a dit, c'est quoi la preuve du ulou et shan? C'est l'élévation du rang, statut. Je ne sais pas si c'est les bons mots, je ne me trompe pas dans la traduction. Mais c'est ce qui me vient en premier. Et qu'est-ce que nous devons récuser au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala? Yaqul ya'lam anna ulou et shan huwa ma tadammanahu ismuhu al-quddus al-salam al-kabir المتعال وما في معناها واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله. Donc cette élévation est celle qui est comprise dans les noms Al-Quddus, qui est le pur, le sacré. Al-Salam, qui est la paix. Al-Kabir, qui est le grand. Al-Mut'al, j'ai oublié la traduction du Mut'al. Je l'ai pas en tête. J'ai oublié la traduction du Mut'al. Mais c'est un sens d'élévation. Parce que dedans, il y a la medda, il y a la racine du Aïn. Non, attends. J'ai pas de bêtises. Là, je l'ai pas. Le sens en tête, là, je l'ai pas, là, seulement. Quoi qu'il en soit, il dit que cela implique tous ses attributs de perfection. Ces noms-là indiquent les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est parfait est forcément au plus haut rang. D'accord ? Au plus haut rang. فَتَعَالَى فِي أَحَدِيَتِهِ أَنْ يَكُونَ لِعِلِهِ مُلْكٌ أَوْ قِسْطٌ مِنْهُ أَوْ يَكُونَ عَوْنًا لَهُ أَوْ ظَهِيرًا أَوْ شَفِيعًا عِنْدَهُ بِدُونْ إِذْنِهِ أَوْ عَلِهِ يُجِيرُ. Donc il a dit également qu'il est au-dessus de tout dans son unicité. Et qu'il n'est pas possible qu'autre que lui puisse avoir une part dans son royaume. Avoir son royaume, ou ne serait-ce qu'une part de son royaume. Ou que autrui puisse le soutenir ou l'aider à quelque chose. D'accord ? Ou que quiconque puisse intercéder auprès de lui sans sa permission. Ou protéger quiconque sans sa permission. Donc après, il donne un long kalam, qui est dans le même sens, on va pas le lire. Il y a des passages qui sont difficiles à traduire. Quoi qu'il en soit, ce que l'auteur veut faire comprendre, c'est que nul ne peut ou n'est en mesure de faire ce qu'Allah Azzawajal y fait, et nul ne peut s'y opposer. Donc cela implique qu'Allah Azzawajal a le plus haut rang. D'accord ? Je pense qu'on va s'arrêter là. Et on finira, Inch'Allah, au prochain ders, par les deux prochaines questions. Et de là, on s'arrêtera. S'arrêteront les doulos dans ce kitab. Il est ajulin rayle moussamma. Jusqu'à une échéance non déterminée. Biznina ta'ala. Fanak ta'fi biyad al-qadr wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.